Lettre 48e, Théophanie, jadis Larissa, à Junia Marcella, Nicée, septembre 302. De quel sentiment vas-tu être animé, cher ami, lorsque tu recevras cette lettre, lorsque tu verras l'écriture de celle dont tu pleures la mort depuis 8 mois? Oui, Junia, ta Larissa vit encore. Il a plu à la Providence de conserver mes jours d'une manière miraculeuse. Mais je me rendrais coupable d'une insigne fausseté si je te disais que je regarde ce miracle comme un bienfait. Non, c'est plutôt une nouvelle épreuve à laquelle je dois me soumettre. Sans doute il m'est très utile de vivre puisque Dieu l'ordonne, mais combien il m'eût été plus doux de mourir. J'entends, cher ami, les 1000 questions que ton cœur m'adresse pour connaître mon sort, la manière dont j'ai été sauvé et ma situation actuelle. Je veux d'abord, avant d'entrer dans aucun détail, rassurer ta tendre amitié sur mon sort actuel. Je suis tranquille, en bonne santé, j'habite Nicée et la maison du respectable Lysias, frère d'Héliodore. Je vais à présent rétrograder et te raconter tout ce qui m'est arrivé. Je reviens à cette nuit terrible, à jamais mémorable, où un bruit affreux vint interrompre le sommeil de tous les habitants de Trachène, où Démétrius, n'écoutant aucun avis, ne voulait ni fuir, ni abandonner l'idée de repousser les barbares, devint la première victime de cette opiniâtreté. Il rassembla là tous les esclaves en état de porter les armes, sortit à leur tête et me laissa seul avec mes femmes. Cette situation ne vint point à l'improviste, je l'avais prévue d'avance, et j'y étais préparé. Je ne fus donc point très effrayé, je conservais tout mon calme. Je fis venir auprès de moi toutes mes femmes et 2 esclaves que Démétrius avait laissés à notre garde. Je leur fis connaître l'état des choses, le danger que nous courions tous, et je les laissai libres ou de rester avec moi jusqu'au dénouement du combat ou de se sauver pendant qu'il en était encore temps. Quant à moi, je leur déclarai que je ne quitterais ni ma demeure ni mon époux dans un moment aussi critique et que je ne penserais à la fuite que lorsque tout espoir serait perdu. Après que je leur eus parlé, quelques-uns, profitant de ma permission, s'enfuirent à l'instant, d'autres se cachèrent dans les taillis du jardin. Le plus petit nombre resta dans la maison. De ces dernières fut Mélite, la plus belle et la plus jeune de mes esclaves. Trompée par l'assurance qu'on lui avait donnée que les Goths n'étaient rien moins qu'insensibles à la beauté et que plusieurs femmes qu'ils avaient enlevées jouissaient chez eux d'un sort digne d'envie, elle espérait jouir du même bonheur et devenir peut-être, me dit-elle, l'épouse de leur roi. Je cherchai inutilement à lui faire sentir l'extravagance de cette idée. Elle persista dans son projet de se laisser prendre prisonnière. Évadné fut la seule qui ne voulut pas me quitter. Je sortis de ma chambre, où je laissai Mélite avec l'espoir d'être enlevée, et je me retirai avec ma fidèle compagne dans un des cabinets du jardin qui m'offrait, par sa proximité avec la campagne, une retraite sûre, pouvant aisément de là m'échapper à travers champs et atteindre un grand village qui n'était distant que d'une lieue. Nous prîmes des habits d'hommes esclaves, quelques diamants, et chacune de nous une épée courte et un poignard. C'est ainsi que nous restions dans l'attente de ce que nous allions devenir, priant Dieu d'avoir pitié de nous. Un esclave dépêché par Démétrius nous donnait de temps à autre des nouvelles du combat, qui restait toujours indécis. Enfin nous reçûmes l'affreuse nouvelle que Démétrius avait été tué, avec la plus grande partie des siens, et que le reste avait eu bien de la peine à se soustraire aux barbares. Malgré les chagrins que mon mari avait répandus sur ma vie, je fus saisi à l'excès de sa mort. Et je ne me rappelais alors que ses vertus, car il en avait de réelles, malgré son humeur sévère, aigrie par l'âge et les injustices. Je fondis en larmes, et je voulus aller sur le champ de bataille pour voir s'il n'y avait nul espoir de la rendre à la vie. Mes gens me retinrent, ils me représentèrent les dangers, l'impossibilité même d'y parvenir, et me sollicitèrent de prendre la fuite. Nous nous sauvâmes donc, évadés et moi, et nous arrivâmes à 1/4 de lieue de la maison, dans un bois, sans avoir rien rencontré. Il m'est impossible de te dire ce que j'éprouvais alors. 1000 sentiments douloureux s'élevaient dans mon âme, mais le plus puissant de tous, celui du danger présent, dominait. Je frémissais à l'idée de tomber entre les mains des barbares, et j'étais résolu à m'ôter la vie si je ne pouvais pas parvenir à les éviter. Nous commencions à être rassurés lorsque nous tombâmes tout à coup au milieu d'une de leurs troupes qui gardait l'entrée de ce bois. La fuite étant impossible, nous cherchâmes à nous défendre aussi longtemps que nous pourrions. Je suis encore à comprendre d'où me vint ce courage. Ce n'était point celui du désespoir, car je conservais une idée assez nette de ma situation. Je suis naturellement faible et timide, et la seule idée du sang me fait horreur. Je l'attribue donc à deux causes, l'une à la grâce de Dieu, qui donne à chaque créature le courage nécessaire à sa conservation, l'autre à mon indifférence pour la mort. Je voyais bien que les barbares nous ménageaient, et qu'ils voulaient nous avoir vivants, car ils nous prenaient pour de jeunes adolescents. J'aurais voulu, au contraire, ou leur échapper, ou les exciter à nous ôter la vie. Mais que peuvent les forces d'une femme dont le bras faible peut à peine soutenir le poids d'une épée? Un goth, contre qui je me défendais, irrité de ma résistance inutile, leva son cimeterre sur ma tête. Je crus recevoir le coup mortel, mais sans doute il n'avait cherché qu'à m'effrayer et à me désarmer. Le cimeterre n'atteignit que ma joue, mon sang commença à ruisseler, un mouvement involontaire me fit porter la main à ma blessure. À l'instant, mon ennemi se saisit de mon épée, à laquelle je ne pensais plus. Evadne jeta un cri perçant en voyant le sang couler à flot de ma joue entamée. Elle jeta son arme et courut à moi. Je lui fis signe de ne pas nous trahir par des soins trop empressés. Elle se tut, mais je vis couler ses larmes. Cette sensibilité de sa part me procura une douce sensation au milieu de mon malheur. Les barbares nous prirent rudement les mains et nous les garrottèrent, mais pendant cette opération s'avança un détachement des leurs, à la tête desquels était un homme d'une figure très noble. Ils vinrent à nous regardèrent tour à tour, en se parlant ensemble dans leur langue, ce qui nous fit présumer que nous étions le sujet de leur entretien. Enfin, le chef ordonna qu'on nous déliât. Il nous dit, en mauvais grec, qu'il aimait avoir dans des hommes aussi jeunes que nous, à peine sortis de l'enfance, autant de courage, que nous avions l'air doux et honnêtes, et qu'il voulait se fier à nous pour le suivre sur le vaisseau sans être garrotté. Tout était fini, notre sort était décidé, nous étions destinés à l'esclavage. S'il nous arrivait un plus grand malheur, mon seul espoir, ma seule ressource était mon poignard que je cherchais à cacher sous mes vêtements. On nous fit marcher vers le bâtiment. Le trajet était assez long et l'air froid qui se faisait sentir envenimait ma plaie et m'occasionnait de vives douleurs. Le généreux Tritiger, c'est ainsi que se nommait le chef, eut pitié de mes souffrances. Il fit arrêter sa troupe auprès d'une source d'eau vive et d'après son ordre, un vieux goth lava ma plaie. Il y appliqua des herbes et la pansa aussi bien que le temps et le lieu le lui permettaient. Je sentis bientôt un grand soulagement, et je ne pus m'empêcher d'admirer les connaissances de ces sauvages qui trouvent dans la nature des remèdes simples et excellents. Monté sur le vaisseau, je vis s'éloigner le rivage de ma patrie, qui me fut bientôt caché par des nuages. Mes pleurs coulèrent abondamment. Le sentiment de mon malheur, la perte que je venais de faire, les craintes qui me tourmentaient, le passé, le présent, l'avenir, tombèrent à la fois sur mon âme. Deux fois ma main s'empara du poignard, pour mettre moi-même un terme à ma vie. Je ne fus retenu que par la pensée du crime que j'allais commettre en me donnant la mort. Cependant, je ne fis qu'en suspendre le moment, bien résolu à en faire usage si mon sexe était découvert et mon honneur en danger. Alors je pensais qu'il me serait permis d'user du seul moyen qui me resterait. Deux jours se passèrent ainsi sur le misérable bâtiment qui nous portait et qui ne paraissait pas pouvoir résister aux vagues, mais qui franchit cependant très bien l'espace du pont Euxin. Le troisième jour, les cris des barbares m'avertirent que nous touchions au rivage. Je ne fus plus alors maîtresse de mon chagrin. Il fut d'autant plus violent que je l'avais contenu jusqu'alors. Mon effroi était tel qu'en sortant du navire, je me laissai tomber. Tritiger, qui vit ma faiblesse, me prit dans ses bras comme un enfant et me porta sur le rivage en me disant de prendre courage et qu'on ne me ferait pas travailler au-delà de mes forces. « C'est à moi que tu appartiens, » me dit-il, « tu es mon esclave, et j'aurai soin de toi, jeune homme, si tu cherches à le mériter. » C'était le seul être au monde actuellement qui put me protéger et s'intéresser à moi. Ses traits n'annonçaient aucune cruauté, ses grands yeux bleus exprimaient même de la bonté. Mais il était mon maître, et s'il se doutait que j'étais une femme, cette bonté qu'il me témoignait pouvait changer de nature et m'exposer à un danger que je ne pourrais éviter, qu'en me donnant la mort. Une frayeur, une tristesse que tu peux comprendre, furent la suite de ces réflexions. Mais je sentis la nécessité de cacher cette impression à mon maître et de me résigner pour le moment à mon sort. Je lui jurai fidélité et obéissance, et je le priai de protéger ma jeunesse et mon inexpérience. Il me promit d'avoir soin de moi comme un père. La troupe traversa un grand bois, à la sortie duquel des cris de joie se firent entendre. Une foule de monde de tout âge vint au-devant de nous. Un plaisir inexprimable s'empara de moi lorsque je vis une très belle femme, accompagnée de trois enfants, accourir vers le chef en le nommant son époux. Il présenta à sa famille ses deux esclaves, et je vis que la figure charmante d'Évadné, sous ses habits d'homme, qui lui seyait à merveille, attirait beaucoup l'attention de Gésil, la fille aînée de mon maître. On nous reçut avec bonté, et nous arrivâmes bientôt dans la tribu du chef, et ensuite dans la cabane de Tritiguer. Il est inutile de te faire la description de cette cabane, dépourvue de toutes les commodités dont nous avions l'habitude. Mais enfin, la puissante nécessité nous fit supporter toutes ces privations. J'appris au milieu de ces enfants de la nature qu'il faut peu de choses à l'homme, et que nos besoins factices enfantent souvent des vices. Nous trouvâmes une grande consolation dans le caractère simple et vertueux de notre maître. Ah, ma chère Junia, nous qualifions du nom de barbares ces hommes chez lesquels j'ai trouvé des vertus dont nous ne connaîtrons bientôt plus que le nom. Leurs mœurs sont rudes mais simples, leurs sensations vives et promptes mais véritables. Point de fausseté parmi eux, point d'hypocrisie. L'homme se montre tel qu'il est. Il n'est pas rare de trouver en eux de la grandeur d'âme, de la fidélité. Ils sont capables d'amour et d'un dévouement à toute épreuve et jusqu'à la mort. Leurs défauts sont une suite de leur isolement et de leur manque d'occupation. Les femmes ont soin du ménage. L'homme ne fait que chasser et guerroyer, et ces deux occupations sanguinaires l'habituent à la cruauté. Le jeu et la boisson des liqueurs fortes remplissent leurs moments d'oisiveté, et leurs passions, excitées par un tel genre de vie, les conduisent à des actions révoltantes pour l'humanité. Mais ce sont les seuls vices que nous puissions leur reprocher, et lorsqu'ils sont de sang-froid, ils nous surpassent dans toutes les vertus, et les femmes ont des droits incontestables à vanter les mœurs de ces sauvages. Les leurs ne sont point esclaves, comme c'est l'usage dans la majeure partie de l'Orient. La femme d'un guerrier goth est sa compagne, son amie, sa première confidente. Elle partage tous ses projets, et si elle le veut, elle le suit à la guerre. Elle pense ses blessures, elle essuie la sueur de son front, elle partage ses fatigues et sa gloire, et meurt avec lui s'il succombe, pour ne pas lui survivre et ne pas devenir esclave de l'ennemi. Ah, que de fois j'ai désiré un tel sort lorsque nos armées étaient à Édesse ou à Nisibis. Si j'avais osé alors, si j'avais pu le suivre, porter sa lance, le couvrir de mon bouclier, arrêter son sang en l'enveloppant de mon voile, partager tous ses dangers, ah, que j'eusse été heureuse. Aucune crainte n'aurait pu étouffer mon désir d'être toujours, toujours à ses côtés. Pensée inutile et vaine. Un devoir impérieux me l'interdisait alors et à présent. Mais je vais continuer ma triste narration. La bonté avec laquelle on nous traitait, et la pureté, je dirais même la sévérité des mœurs, relativement au commerce entre les deux sexes, avaient diminué ma crainte que le nôtre ne fût découvert. Et bientôt je regardais comme un devoir de le faire connaître à la mère de Gésil. Les sentiments de cette jeune fille pour Évadné augmentaient visiblement. Elle reçut ma confidence avec surprise, mais sans peine, et les soins qu'on prit dès lors de nous séparer des hommes et de nous fournir d'habillements de femmes me prouva que j'avais bien fait et que nous pouvions être sans crainte. Je vivais passablement tranquille dans une tristesse habituelle, causée plus par mes souvenirs du passé que par ma situation actuelle. Cependant, la certitude d'être séparé pour jamais de toi, ma Junia, et de ceux que j'aimais, accablait aussi mon âme, et les fatigues sans nombre de mon esclavage, mes forces physiques. L'hiver le plus froid, dont je ne connaissais encore ni la durée ni la rigueur, se fit doublement sentir. Les neiges interceptaient toute communication, et les glaces énormes, formées par les rivières, donnaient un air désolé à toute la nature. Je trouvais pourtant une occupation intéressante pendant la rigueur de cette longue saison. J'appris à Gésil et à sa mère différents ouvrages dont elle n'avait pas l'idée, et mille choses pour l'agrément et l'utilité de la vie. Évadné et moi, nous fûmes leurs institutrices, et bientôt j'eus la satisfaction de voir que la culture de l'esprit et l'adresse des mains faisaient de grands progrès chez ces gens grossiers, mais très intelligents, et qui ne demandaient qu'à être instruits. Le nombre de nos écolières s'augmenta. Ceux qui devaient nous ordonner nous obéissaient avec une extrême docilité, écoutaient attentivement nos discours, et nous regardaient comme des êtres d'une nature supérieure. J'aurais pu facilement prendre avantage de cette erreur, mais je n'aspirais pas à leur admiration. Je ne voulais que leur faire un peu de bien, et j'éprouvais une satisfaction extrême à voir que cette faible semence produirait dans la suite des fruits salutaires. J'espère que tu ne verras là-dedans aucun sentiment de vanité, surtout lorsque tu sauras que plusieurs de ces guerriers, même les chefs de tribu, nous ont offert leurs mains, et qu'il m'en coûta aussi peu de peine que de réflexion pour les refuser. Mais ma bonne Évadné, dont le cœur libre ne regrettait point de patrie, et qui avait plus de fatigue à supporter qu'au moi, ne fut point insensible aux vœux et aux propositions de mariage du noble et valeureux Hotwald. Il est neveu de Tritiger, et vraiment j'ai peu connu d'homme d'une aussi belle figure. Il réunit à une taille majestueuse des traits superbes, des yeux surtout très remarquables, et une chevelure naturellement bouclée. Évadné lui donna d'abord son cœur, et ensuite sa main, d'après les vœux de la famille d'Hotwald et de mes conseils. Le printemps arriva. La neige et les glaces disparurent, et par leur fonte rapide les eaux s'accrurent à un tel point que la contrée fut presque inondée et que nous eûmes beaucoup à souffrir. J'avais une telle envie de revoir mon pays et mes amis que je faillis en mourir. Ah, ma chère Junia, que je suis faible et inconsidéré! Après avoir tant désiré la mort, je la vis s'approcher avec effroi. Malgré toutes les difficultés d'une réunion avec mes amis, j'en nourrissais sans cesse l'espoir et lui seul me soutenait. Libre à présent de tout lien, j'osais penser sans cesse à l'ami de mon enfance, l'associer à toutes mes espérances. Pour lui, j'aimais la vie. Je tremblais à l'idée de la perdre et de mourir loin de lui, isolé et abandonné. Les eaux se retirèrent. La nature étala toutes ses beautés. Les chemins relevèrent praticables. Et la nouvelle nous parvint que des étrangers, des chrétiens grecs, avaient débarqué dans les environs. Oh, comment exprimer l'impression que me fit cette nouvelle? J'étais mieux depuis le retour du printemps. Le saisissement et la joie me firent retomber malade. J'avais l'espoir enchanteur qu'ils étaient là pour moi, qu'ils venaient me chercher, que lui-même peut-être. Ah, Junia, cette idée me jetait dans une espèce de délire. J'aurais voulu voler au-devant de lui, et je n'en avais ni la liberté ni la force. Malgré tout ce que me disait la raison, j'avais toujours eu cet espoir au fond de mon cœur. « Non, me disais-je, le noble, le sensible Agathoclès ne laissera pas son ami esclave des barbares. Il viendra me délivrer, j'en suis sûr. » Et j'avais attribué à la saison orageuse et ensuite à l'inondation qu'il ne fut point encore arrivé. Cette illusion séduisante disparut bientôt. Mais il me resta encore des sujets de joie. C'étaient des Grecs, mes compatriotes, ayant à leur tête cet Héliodore dont tu m'écrivis une fois à Trachène le noble projet, et qui n'avait pas craint de pénétrer chez ces peuples pour remplir leur pieux but, celui de répandre le christianisme. Les fatigues, les peines, les dangers qu'ils avaient endurés pendant leur pèlerinage, le courage avec lequel ils supportèrent tout, le zèle ardent avec lequel ils sacrifiaient même leur vie, m'émut profondément et m'inspira pour eux une grande vénération. Ils avaient déjà recueilli des fruits de leurs travaux. La doctrine simple du christianisme avait trouvé place dans l'âme de ces enfants de la nature. La douceur avec laquelle ces saints hommes les instruisaient dans la religion et dans différents arts utiles leur gagna l'amour de tous. Ils avaient apporté avec eux une quantité d'instruments aratoires, des outils de toute espèce et différentes semences. Ils leur démontraient l'utilité de ces objets, l'avantage qu'ils en retireraient pour la culture des terres et pour une vie plus fixe et plus tranquille. Déjà, l'on voyait des tribus entières occupées à extirper les bois qui empêchaient la circulation de l'air et à défricher des terrains incultes, et ce terrain neuf recevait les différentes semences répandues par les mains de ses nouveaux amis. on nous annonça aussi leur visite. Au même instant, je conçus l'espoir qu'ils me protégeraient et qu'ils faciliteraient mon retour dans ma patrie. Ils arrivèrent. C'était Héliodore et deux autres chrétiens. Jamais je ne perdrai le souvenir de l'impression que me fit la vue de mes compatriotes et les premiers mots que je leur entendis prononcer. Tritiguer les reçut avec amitié et respect. Leur but fut couronné chez lui du plus heureux succès. Déjà prévenu avantageusement par moi en faveur du christianisme, ils ne tardèrent pas à l'embrasser, et j'eus l'inexprimable plaisir de voir cette famille respectable adorer le même Dieu que moi, avoir les mêmes espérances. Héliodore fut très surpris de me trouver parmi eux. Je lui découvris mon nom et mon sort, et je le priai de me délivrer de l'esclavage et de me ramener dans ma patrie. Il me promit de faire tout ce qui serait en son pouvoir, étant d'ailleurs résolu de retourner bientôt en Bithynie pour instruire l'évêque du progrès de ses démarches et lui demander quelques secours et un plus grand nombre d'aides. Il parla à Tritiguer de ma demande. Je l'en avais prié, n'en ayant pas le courage, et sachant bien qu'on ne me laisserait pas partir volontiers. Ce que j'avais craint arriva. La fureur de Tritiguer éclata dès les premiers mots. Il dit que j'étais à lui, son ami et celle de sa femme, plus que son esclave, mais que je leur appartenais par le droit de la guerre, qu'ils s'étaient accoutumés tous à ma société et ne pouvaient pas s'en passer. L'éloquence irrésistible d'Héliodore parvint enfin à calmer le goth. Il écouta tranquillement ces paroles, mais ne put se résoudre à me laisser partir. Il me fit appeler, me fit les plus violents reproches et me supplia ensuite, les larmes aux yeux, de ne pas les quitter. Sa femme et sa fille se joignirent à lui. Ce fut un combat violent. Il ne fallait pas moins que le pouvoir de l'amour pour y résister. J'étais inondé de larmes. Je me jetai à leurs pieds. Je pressai les mains de Tritiguer contre mes lèvres, comme s'il eût été mon père. Avec le sentiment dont j'étais inspiré, et qui m'inspirait sans doute plus d'éloquence, je lui détaillai ce que j'avais laissé dans ma patrie et ce qui m'attendait. J'en appelais à son propre amour pour son pays et pour sa compagne, je le priai de se mettre à ma place et de décider de mon sort. Pendant quelques instants, il resta en silence, puis il dit avec vivacité mais sans dureté « Bah, Larissa, je sais que tu ne peux plus être ici, bah, mais nous ne t'oublierons jamais. » Je m'emparai de ses mains, je les pressai contre mon cœur, je voulais le remercier et les paroles me manquaient. Dans ce moment, Héliodore dit quelque chose de la rançon qu'il n'avait qu'à fixer. J'en avais déjà parlé à Héliodore, en lui confiant que lors de notre fuite, nous avions emporté quelques bijoux de prix, que je donnerais volontiers pour obtenir ma liberté, et que si cela ne suffisait pas, mes amis viendraient sûrement à mon secours. Un sentiment intérieur m'empêcha de parler à Tritiguer de ma rançon, dans un moment où je ne voulais lui exprimer que de la reconnaissance. Héliodore le vit, et je vis que j'avais eu raison de me taire. Tritiguer parut très offensé. Ses yeux étincelaient de colère. Il rejeta ma main et me repoussa. « Que penses-tu là ? » me dit-il. « Qu'est-ce qu'on me propose ? » « Je puis te rendre la liberté, mais jamais je ne te vendrai. Retourne dans ta patrie, puisque tu ne veux plus rester avec nous, et dis à tes compatriotes que nous, barbares, comme ils nous appellent, nous ne donnons pour aucun prix ce que nous aimons. » En finissant, il se tourna brusquement et voulut se retirer. Je le retins, je repris ses mains. Je le suppliai de ne pas me laisser partir chargé de sa colère. J'implorai son pardon, je le conjurai de me l'accorder. Je lui donnai le doux nom de père. Il s'arrêta, me regarda d'un air sévère en me disant « Tu me nommes ton père et tu me quittes. Seras-tu encore ma fille au-delà des mers ?» Je le lui jurai. Je lui promis même avec serment que si un sort malheureux anéantissait mes espérances et que je ne retrouvasse pas celui qui m'y attirait, je reviendrais vivre au sein de sa famille. Hélas, Junia, il paraît que je tiendrai parole et que je reverrai le pays des barbares et la cabane de mon père adoptif. Pendant le peu de jours que nous restâmes encore ensemble, on fit les préparatifs de mon départ. Tritiguer et son neveu Hotwald nous procurèrent un vaisseau et les meilleurs matelots de leur famille. Le cœur d'Évadné fut tourmenté par une foule de sentiments opposés lorsqu'elle apprit que j'allais retourner avec Héliodore dans notre patrie. Mais elle adorait Rodvald, et l'amour fit taire aussi l'amitié. Oh, quel est le sacrifice qu'une femme ne puisse pas faire à l'objet aimé! Il est pour elle père, mère, ami, patrie. Là où il est, se trouve pour elle le bonheur. Quel avenir j'avais devant les yeux! Combien j'avais rêvé que ce bonheur serait aussi mon partage! Ah oui, rêver! Au milieu d'une foule de sensations différentes, je vis cependant arriver avec joie le jour du départ. Je pris congé de mes bons maîtres en versant des torrents de larmes. La douleur de cette séparation fut encore augmentée par les adieux de ma fidèle Évadné. Les voisins, et même des familles très éloignées de l'habitation de Tritiger, vinrent pour voir encore une fois la captive qu'ils avaient aimée, et recevoir la bénédiction de l'envoyé de Dieu. Il leur promit de revenir bientôt et de leur apporter de mes nouvelles. Sur le rivage, je me mis encore à genoux devant Tritiger et son épouse, pour recevoir aussi leur bénédiction. Ils me la donnèrent au nom du Dieu qu'Héliodore leur avait fait connaître. Nous entrâmes dans le bâtiment, et après une traversée assez périlleuse par le pont Euxin, nous arrivâmes à Byzance. Nous renvoyâmes nos matelots après les avoir récompensés et les avoir chargés de 1000 choses pour leur maître et sa famille, dont Évadné faisait partie. Je priai Héliodore de me procurer tout ce dont j'avais besoin pour paraître simplement, mais convenablement chez des peuples policés. Ah, chère Junia, quelle jouissance on éprouve à posséder des choses auxquelles on avait attaché peu de prix après une longue privation. Que nous connaissons peu la douceur de 1000 commodités dans leur usage habituel. Je m'enveloppai avec un plaisir indicible dans des vêtements souples. J'arrangeais mes cheveux négligés si longtemps et dans ma simplicité, je jouis d'un bien-être que la plus brillante parure ne m'avait jamais procuré. Je ne vis cependant pas sans un chagrin, que je ne veux pas te dissimuler, que ces 8 mois passés dans un climat aussi rude et la cicatrice sur ma joue avaient fait de grands ravages dans ma figure. Je ne fus jamais belle, mais pourquoi aurais-je désiré de l'être? Je ne me suis aperçu que cet avantage me manquait qu'en me comparant à d'autres femmes. N'ai-je pas tout de même été chérie de l'ami de mon enfance et choisie pour être la compagne d'un guerrier respectable? Mais je n'avais rien à perdre, et ce grand changement ne me laissa pas sans inquiétude. Je me consolais en me rappelant qu'il était moins attaché à ma figure qu'à mon cœur, et que celui-là n'a pas souffert la moindre altération. Je pensais à ce caractère si noble, si vertueux, si capable d'une fidélité à toute épreuve, et je repris une confiance entière. Nous trouvâmes dans le port un vaisseau prêt à mettre à la voile, destiné pour la Chalcédoine, et nous débarquâmes heureusement sur le sol de la patrie. Ma lettre est déjà si longue que je garde le reste de mon récit pour une suivante. Adieu, ma Junia. Je me délecte aussi de t'écrire et de renaître à l'amitié. Adieu.